La commémoration du 14e anniversaire du décès de Choi Hong-hee, ancien président de la Fédération internationale du taekwondo, a eu lieu le 15 courant au cimetière des martyrs patriotes de Simili. Y ont pris part le président de la Fédération internationale du taekwondo, la délégation du taekwondo, autres personnes intéressées aux arts martiaux, la famille du défunt, les officiers intéressés, les maîtres et entraîneurs du taekwondo. Les couronnes et bouquets de fleurs au nom du comité coréen du taekwondo, de la Fédération internationale du taekwondo, du comité de la compétition internationale des arts martiaux et de la direction des affaires avec les compatriotes coréens d'outre-mer sont déposés devant la tombe de Choi Hong-hee. Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire de M. Choi.